Voilà. Oui, ça marche. Ah oui, ça marche. Oui, c'est super. Ah oui, c'est bien. Bon, alors je redis merci d'être tous présents. À 15h, on démarre un plateau radio qui sera en direct à la fois sur Internet, mais aussi grâce à une radio associative, un hertzien sur Paris. Et d'ailleurs, vous avez même des petites radios dans le dos et vous allez pouvoir... Vous ne saurez pas trop si le son que vous écoutez vient de ces haut-parleurs ou de cette petite radio. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir le Ball Theater comme un lieu émetteur et récepteur des nouvelles du monde. Donc là, il y a 2 heures de plateau radio, vous vous installez comme vous voulez, par terre, en haut, etc. Et sentez-vous libre d'aller venir. Voilà. C'est principalement en français aujourd'hui et demain. It's in Italian jeudi, and English vendredi, and French Saturday. Radio Utopia, Nouvelles du Monde. Bonjour à toutes et tous. Alors, comment sonne le monde? Comment le monde, en fait, sonne-t-il à nos oreilles? Et peut-être, comment pourrait-il sonner demain? Bon, la question est très vaste. Ce que nous raconte l'ambiance sonore d'un espace urbain, d'une place, d'un hôpital, d'une école, l'ambiance sonore d'un lac, d'une forêt, d'un glacier... Mais qu'est-ce que nous disent, quand on les écoute vraiment, les habitants, mais aussi le monde du vivant avec qui nous sommes? Quelle sonorité témoigne du monde tel qu'il va, dans ses changements autant que dans ses drames? Quelle empathie le monde sonore donne-t-il à entendre? Comment nous affecte-t-il? Comment est-ce qu'il configure nos pratiques ordinaires? Et donc, si l'approche du monde par le sonore remet en question la distinction qui serait trop claire entre celui qui perçoit et celui qui est perçu, entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'individu et le monde, on sera très loin dans ce plateau radio d'une pensée dualiste qui oppose les choses. On essaye au contraire, par une approche des ambiances et des sens, de regarder le monde qui nous entoure selon d'autres ontologies que l'écoute rendrait possible. Alors on va mettre l'accent sur la perception plutôt que sur les sens, sur la résonance, la tonalité affective. Approcher l'habité par le sonore et donc par l'écoute nous oblige à une relation différente aux matériaux de la recherche, à la création et ici même à l'architecture. Ça nous oblige ou ça nous incite à trouver un médium qui rende compte de cette part sensible du monde. Et vous l'avez compris, ici, c'est la radio que nous avons mobilisée, Radio Utopia, avec un plateau radio par jour, pendant 5 jours, avec des installations sonores, avec des nouvelles du monde qui nous ont été envoyées de l'ensemble de la planète. Et ce travail se réalise au sein du Ball Theater du pavillon français pour la 18e Biennale d'architecture de Venise. Carlotta Darro, qui est présente ici, et moi-même, nous avons eu le plaisir d'organiser tout cela. Et Damien Masson m'accompagnera pour ce premier plateau radio intitulé « L'écoute des mondes ». Je vais commencer par vous présenter rapidement les invités et on reviendra plus longuement sur les parcours de chacun. Tout d'abord, Sabine von Fischer, vous êtes architecte et écrivaine. Et avec vous, on va commencer par la question de comment sonne la matière, plutôt, pour après voir où vous nous amenez. Thomas Bonenfant, puis Sébastien de Perta. Thomas, vous êtes architecte et artiste. Sébastien de Perta, géographe et musicien. Et vous nous proposez plutôt une écoute du vivant par un dispositif où on écoute, non pas avec l'air, mais avec les os, une écoute solidienne. Nous enchaînerons avec Marc Higgin à l'autre bout du plateau. Marc Higgin est anthropologue et cette fois-ci, ce sera la question de l'écoute du territoire. Pour ceux qui étaient présents un petit peu avant ce plateau radio, c'est la suite de l'installation sonore « Les sirènes du Drac » qui était présente juste avant. On aura une contribution enregistrée de quelqu'un qui nous salue fortement et qui ne peut pas être présent, mais qui le regrette, c'est Tim Ingold. Et donc un entretien sur l'écoute avec Tim Ingold, qui nous sera présenté justement par Marc. Marc le connaît bien, puisque Marc, vous avez été son doctorant il y a déjà quelques années. Enfin, on enchaînera avec Perrine Poupin, sociologue, chercheur au CNRS. Et Perrine, vous travaillez avec des artistes, si on peut nommer ce mot, qui habitent en ce moment en Ukraine et qui témoignent de la situation par le son. Et nous terminerons par une écoute d'une dizaine de minutes d'une composition sonore qui nous est proposée par Sally Jane Norman et Ricky Koch. Ça nous vient de Nouvelle-Zélande et c'est une composition sonore qui est faite en réaction à certains îlots du Pacifique qui disparaissent sous la montée des mers. Alors pour démarrer, eh bien Damien, peut-être, je te passe la parole. Merci Nicolas. Je vais passer en anglais pour pouvoir échanger avec Sabine von Fischer, peut-être. Donc, a few words to present Sabine. So you are an architect and an historian, and you observe the city, art and architecture with a special interest in sound and environment. After working and researching in New York City, Montreal and Berlin, you now live again in Zurich. Your scholarly research resulted in a number of essays and articles, such as the book Sound Modernities that you edited together with Olga Tulumi, and the book Das akustische Argument, Wissenschaft und Hörerfahrung in der Architektur des 20. Jahrhunderts. Sorry for my German. And this book is available free online on PDF. You also regularly write text for books and newspapers, and your latest book, which is coming in November, next October, is named Architecture Can More, or in English, Architecture Can Do More, from fostering community to decelerating climate change, in which you use a number of newspaper articles and realize a commentary that discusses architecture topics in the public media. Maybe before speaking and exchanging with you, we are going to listen to a small excerpt you have given to us. So, Julien, if you want to play the song, thank you. Thank you for this sound. So Sabine, here I have the feeling that we heard a space that is animated by a lot of sounds. So maybe could you give us maybe some context about the this sonic excerpt, its production, and what is intended maybe by that. Merci pour l'invitation et excusez-moi pour parler l'anglais, c'est beaucoup plus facile pour moi. So it was very interesting listening to the recording here and also a little bit disappointing because it is really, the sounds are very low and subtle and here we have so much background that I think the qualities that we tried to capture are a bit lost now in this broadcast. So the recording was made by my partner and myself, and we recorded, the context was my PhD research 15 years ago, where I looked also a lot on the discourse on the interactions of engineers and architects in architectural acoustics and how, who inspired and triggered which also developments in technical and building acoustics. And so one of the questions was really how did the materials, different building materials from different periods, how they sound. And so we made recordings in buildings that are cast concrete from the 60s. And what you heard, so I will describe now what I wanted you to hear. It is an old, about 300 years old building in Ticino, in Cavernio, in one of the valleys further up. And it has squeaking wooden floors and stone walls, and the metal handle of the door squeaks too, and the water pipes like conduct through the whole building. So this is a very different sound quality from being in a cast concrete building. And we tried to record these differences. And for me also as a more theoretical writer, I was interesting to do this methodological experiment to see what it takes to absorb the or capture the atmosphere of a building. And so so anyway, these subtle sounds you could hear if you heard the recording with no background noise. I think they're very interesting. So the one lesson was that these sounds, they can be captured, but they're very low. But also to get them out of the building has to be animated. And so footsteps are a very obvious way of animating the sound of a building. And so we did that in all the buildings we recorded with our, at the time, little children, which have remarkably loud steps, even though they're little and light. So we kind of told our children to like run around, turn on the water, and then we had some kind of similar sounds in the different buildings. And when I, the installation at the back of the French Pavilion, where we are now, it reminded me how these are two recordings, the landscape cartographies, and the first one was done with the sounds, the pure sounds of the place. And in the second iteration, the researchers introduced instruments, musical instruments, to capture the atmosphere or like really like put it in a scene. And I think there is a parallel in how we told our children to animate the building and the material, and how in this cartography instruments were put in place to show more of what the atmosphere encompasses. I talked a lot now, so I don't know. Yeah. Lots of topics. Je pose ma question en français. Dans vos travaux, vous avez beaucoup travaillé sur l'architecture et la leçon de l'architecture. Et en ce moment, vous abordez la question du changement climatique, du changement littéralement d'air, d'atmosphère. On peut écrire air en français dans plusieurs sens. Et du coup, comment la question du sonore aide ou rend possible ce passage à une étude qui serait, je dirais, non pas désactivée d'un moment historique, mais qui serait propre à une situation architecturale, prise dans un moment de questionnement, d'inquiétude et de changement, littéralement, donc d'air et d'atmosphère. Comment vous, le travail sur le sonore peut-être peut continuer et justement nous informer différemment de peut-être d'autres approches de ce moment sur lequel on est tous en conscience et en travail, quoi. That's a very good question. I think there are many answers, and I think one answer is that the sound it requires attention. It requires us to be attentive, both to understand the sound of a place and to see how the climate changes, how the landscape changes. And so there's this very broad question of awareness, which I think when we work with sound is always at stake, that we make people listen and we get people to listen. And then more specifically, I think in the contemporary situation, there's this question of dialogue between different disciplines that is very important to make sound and climatic measures really be more effective or even be possible, that they are linked. I think because with sound or acoustic interventions, I think we experience a lot that they are cut from the budget. And I think once we manage to link them, because they are linked, like how a place sounds is always the result of how it works in an overall climate. So I think this is really also a call for more interdisciplinary collaboration. Est-ce que Marc ou Sébastien ou Thomas, vous voulez, oui aussi Perrine, mais vous voulez enchaîner sur une discussion, parce que ça rejoint vos questions? Oui, je peux y aller. Alors juste pour répondre à ce que Sabine disait autour de la manière dont elle a utilisé ses enfants pour faire sonner cette maison, et comment, avec l'installation qu'on a fait, qui était là ce matin, je ne sais pas si vous avez tous et toutes eu l'occasion de l'entendre, mais en fait c'était en deux mouvements. C'est très bizarre de parler et de s'entendre ailleurs. Ouais, l'idée, c'est une installation en deux temps. Le premier, comme tu le disais, c'était vraiment un enregistrement du territoire. Et le deuxième, c'était d'une manière d'activer cette écoute avec la participation de musiciens dans le lieu. Et comment, en fait, les musiciens ont joué à une sorte d'improvisation collective, mais ils ne s'entendaient pas. Ils étaient 1 km, 500 mètres de l'un de l'autre. Alors, mais ce qu'ils avaient entre eux, c'était le même territoire. Alors c'était vraiment d'une manière leur manière d'écouter comme musicien, ce qui était mis en scène, c'était cette manière particulière qu'ils ont développée en termes de musiciens improvisationnel, je ne sais pas comment le dire, des gens qui ont tout un apprentissage autour d'une forme d'écoute d'un territoire, et comment en fait leur manière de jouer avec le territoire déplace notre attention, encore plus qu'un dispositif sonore. Je crois qu'il a un sort de double enjeu là-dessus, je ne suis pas sûr si je suis très clair. Il a déjà quelque chose de tellement intéressant quand on enregistre un lieu, un espace sonore, et on le réécoute. À quel point un dispositif technologique d'enregistrement et d'écoute, ça aplatit les sons. Toutes les manières qu'on a d'écouter, qui est déjà tout un filtrage très hiérarchique, est complètement aplati. Tout à coup, on entend des choses qu'on n'entendait même pas quand on était en train d'enregistrer. l'autoroute qui est à côté. On le bloquait complètement. Alors, il a déjà cette sorte de déplacement de l'attention avec une écoute d'un enregistrement, et après les musiciens viennent encore faire un sort de double déplacement. Je sais pas, ouais. Voilà, pour c'est pas une question. Mais oui, peut-être il y a une question là-dedans. C'est dans votre travail, vous utilisez toujours ces sortes de... Si vous avez réutilisé ces dispositifs d'activation de lieux dans votre travail. Ouais. Autour de ces... Est-ce que c'est une question? Je suis pas sûr. Maybe this, yes, it can be a question, that how do you activate the sound of a building? And so this recording we made was more at the early stage of the research project. And then at some point I found and got really interested at these more like the really object, like this, there's always this dichotomy between what we sense, what the entire atmosphere that we then also play music with, or we have children to understand it, and what is really technical objective. How do technical physics in acoustics make things comparable by making them completely objective? And with So the footsteps were an early, there, so I actually started historically really tracing how footsteps were used to measure building floors, and then there were comparisons between men and women, and in the US at the American Institute of Standards, they had these ladies with skirts and high-heeled shoes. They were their favorite subjects for animating a floor. So it's really, this is a long time ago. Good luck with all the men that were measuring and the ladies tapping on the floor. So that was is a kind of a funny and slightly sexist anecdote from history of acoustics. And then there was this moment when they replaced these men and women's footsteps with a machine. And that is the Maschine à Schock, which in German is Hammerwerk, and it was invented in Germany. And in English it is tapping machine. So the English are a little more subtle, I find, with tapping. And the Schock is maybe the most appropriate. The Maschine à Schock, and it's really five hammers that hammer on the floor in a regular rhythm, so you could use it anywhere, anytime, and it would be the same for the measurements. And they also had an electrical version and one for construction sites with no wiring that you could manually operate. And so there's so this machine I was really fascinated with, because it really tries to transfer this thing that we hear, that is in everyone's ears, is a personal thing we hear, to a completely objective level. That you have the machine and then an electroacoustic measuring tool that measures what is there. But then for reasons of practicality for construction sites, they had also machines that worked without electricity in the 1950s. And so they had the hammering sound on the upper floor, and on the lower floor would be a technician with another machine. He would also operate by hand, and he would compare what his ears heard, whether it was louder or less loud. And these moments in history really fascinate me, because they bring back the ear and the subjectivity of hearing to this process of saying objectively, how loud is it? And I think we keep going back to these more subjective readings, because in the end, the whole objective techniques to compare sounds are only implemented for people to be comfortable in buildings. So at the end, it comes back to the hearing of each individual perception. So this is this kind of going back and forth between the subjective and the objective, I think, is something that is really interesting. And maybe to just to jump on that, as you mentioned, the question of children that were used to animate spaces, and then men or women with the high heels, etc., or objects such as the shock machine, machine à shock. I was wonder. I think this raises the normative question, which is to who the space is supposed to be resonant. And so you spoke about comfort, for example. So, and when we speak about that, the question is: so we are going to test a space, see how it resonates. But have you witnessed in history maybe an evolution regarding the kind of people, regarding difference, meaning should the space resonate the same way for everybody, for example? Have you found something like that in your readings? So in the, I started my research on standards and regulations with the idea to find like a development of knowledge. But I must say, I found it was really, what I found in these standards is really a refinement of like borderlines of arguments. So it is really a my book chapter on regulations is really a political chapter, and it is different in every country, and it is really according to the politics of these places. So there is not, standards and regulations are not really directly related to what we know about hearing or about acoustics, but they are much more related to the politics of a place. And what is also evident is that this body of regulation has been exploding exponentially. So they're like, the first standards were 4 pages, then 8 pages, and now there are like hundreds and 100 pages each. So in a way, does that mean that there is more space for difference? I actually doubt it. I think it is really geared towards the sameness in detail. And sure, there are different regulations for schools. In a schoolroom, everybody understands for learning, you need a certain level of silence, or in a hospital. And then in a playroom, it can be like, there are functional differentiations, but in terms of cultural differentiations, there is a long way to go, I think. Yeah, I don't know if anyone has something else to say, but maybe you have done more work on this. No, I wish someone had something to say. No, thank you. But we can continue this. On peut continuer cette discussion, peut-être après, en rebond à la présentation de Marc, ma Sabine, vous reprendrez la parole. On peut passer au travail de Thomas Bonenfant et de Sébastien Deperta. Donc Thomas est architecte et artiste. Et Thomas, vous dirigez aujourd'hui l'agence qui s'appelle Nuit Architecture, qui est entre la France et la Corée. Et Sébastien Deperta, vous êtes géographe, musicien et actuellement en thèse au sein du laboratoire AAU, l'équipe Cresson. Alors je précise, comme plusieurs personnes sont du Cresson dans ces journées-là, que ça veut dire Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. C'est une équipe de recherche à l'école d'architecture de Grenoble. Alors, tous les deux, vous... Ben non, on commence par écouter. C'est un morceau qui dure bien plus longtemps. Mais qu'est-ce que l'on écoute et pourquoi est-ce qu'on écoute ça? Alors, ce qu'on vient d'écouter, ça s'appelle tout bêtement Image 1A. Alors, ça nous dit peut-être pas beaucoup de choses, mais Image 1A, c'est une composition d'un artiste qui s'appelait Knut Victor, un artiste danois qui est décédé il y a quelques années, bien il y a 10 ans, je crois, cette année. Et Knut Victor était venu s'installer en France dans le Luberon, donc c'était un artiste peintre initialement. Il voulait retrouver la lumière de Van Gogh et il a été happé par son environnement sonore. Et voilà, donc il s'est mis à enregistrer tout un tas de sons autour de chez lui et à faire un travail de composition comme ça autour des éléments, autour des insectes, des petits animaux, enfin voilà. Et ce qu'on a écouté, c'était un travail voilà, à partir de l'élément eau, tout simplement. Alors, j'ai pas les détails de comment est-ce qu'il s'y est pris, je peux juste vous dire qu'il travaillait avec des instruments extrêmement rudimentaires, il fabriquait tout lui-même. Et on m'a dit que cette composition, il l'aurait faite à partir de l'enregistrement juste d'une goutte d'eau, voilà, qu'il aurait ensuite retravaillé, etc. Mais alors pourquoi est-ce qu'on écoute ce son et, ouais. Et parce que, en fait, bon, vous avez, je vais le dire en premier, mais vous avez tous les deux conçu un dispositif d'écoute solidienne qui s'appelle l'eau sonnante, qui est présente ici dans le pavillon français pendant toute la semaine. Ça a été développé avec le CNRS, avec la SAT Lynxium et avec Pacte et AU Cresson. Mais c'est quoi cette écoute solidienne et pourquoi est-ce que ce type de son est un son qui est incroyable à écouter avec les os et pas tout à fait avec les oreilles habituelles? Alors oui, effectivement, on a diffusé cette séquence parce que c'est une des premières compositions de Knut Victor qu'on a écouté dans la L'eau sonnante. Donc l'eau sonnante, j'explique très rapidement comment est-ce que ça fonctionne. Vous imaginez une table sur laquelle vous venez poser vos coudes et se boucher les oreilles. Alors c'est un peu contre-intuitif, il faut se boucher les oreilles pour écouter, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir entendre les sons qui sont diffusés. Donc autrement, on n'entend rien. Et on a été complètement captivés. Après avoir passé quelques temps à travailler sur ce dispositif, on a été complètement captivé par les compositions de Knut Victor et la façon dont ça fonctionnait à travers ce dispositif. Voilà. Mais Thomas, je sais pas, peut-être tu veux dire un mot sur le dispositif en lui-même. Oui, merci Sébastien. Donc effectivement, le dispositif L'eau sonnante, c'est un dispositif qu'on a co-créé, qu'on a une expérience partagée. Et dans cette expérience partagée, on a pu explorer plusieurs approches, dont notamment l'écoute solidienne. L'écoute solidienne, en fait, c'est une écoute qui est peu particulière, c'est-à-dire qu'en fait, le son n'est plus de manière classique, de manière aérienne, mais de manière à travers les solides. C'est-à-dire qu'en fait, les perturbations sonores, quand on parle à voix haute, en fait, le fait de parler à voix haute, c'est-à-dire que quand je diffuse une vibration dans l'air, en fait, le son va venir percuter les matériaux et donc en fait avoir quelque part une résonance propre à chaque matériau. Et donc en fait, cet effet sonore, ce rapport physique à la matière, a permis en fait de concevoir des objets qui soient plus uniquement des dispositifs où on écouterait de manière aérienne, mais un dispositif où le son est condensé, absorbé, pour le retranscrire et le diffuser dans le corps. Donc le corps, c'est aussi, il y a peut-être aussi un rapport au corps, donc le corps anatomique, mais aussi les corps physiques, matériels. Donc c'est vraiment toutes ces notions-là, on va dire presque plasticiennes, qu'on a explorées, mais également aussi tout le rapport à l'espace. En fait, les espaces, ils sont, quand on est dans une écoute solidienne, on est détaché, on est attaché à l'espace, c'est-à-dire que là, le dispositif il prend la forme d'un élément plutôt en hauteur où on pose les coudes sur des zones de contact. En posant les coudes sur les zones de contact et en se bouchant les oreilles, on perçoit le son à travers ses mains. Donc le son arrive de nos mains, donc c'est vraiment une expérience qu'on vous invite à venir partager au sein du pavillon français et à la Biennale de Venise. Et donc, du coup, ce son qui vient de nos mains, en fait, il y a vraiment un rapport, comment on peut dire, presque sensible. Enfin, voilà, on cherche aussi tout ce vocabulaire aussi à créer, et, parce que c'est une écoute qui est vraiment très particulière. Donc, ouais, c'est une autre forme d'écoute, en fait. Enfin, pour moi, c'était vraiment une rentrée dans une autre façon de se mettre à l'écoute. Et déjà, ça prend à contre-pied tout un tas de dispositifs de diffusion sonore actuels, qui est que là, on est figé dans l'espace, on ne peut pas se déplacer. Il n'y a pas d'écran, donc c'est pas par rapport aux outils numériques actuels, c'est quand même un plus. Et puis l'écoute est vachement contrainte, en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout donné comme on aurait un haut-parleur ou un casque, où on se pose pas la question vraiment du dispositif, il devient un peu transparent. Là, il faut vraiment prendre du temps, le chercher, c'est un peu déroutant. Voilà, on peut se dire, bah tiens, j'entends pas correctement, et en fait le moindre mouvement va faire que tiens, on va percevoir certaines fréquences selon les personnes aussi, parce que ce sont dans la morphologie, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et qui font que l'écoute est totalement perturbée et qu'on écoute plus du tout de la même façon, quoi. Il y a peut-être quelque chose aussi qu'on, pour avoir fait l'expérience ce matin de l'ossonante, c'est ça évoque ce que les linguistes appellent la linguistique intérieure. C'est la petite voix qu'on a dans la tête. Quand parfois ça peut arriver de se parler à soi, mais de ne pas le faire à voix haute. Et je trouve qu'il y avait ce genre de rapport à l'environnement sonore qui est étonnant, parce que finalement, ce n'est pas un environnement. Ça se passe là, ça se passe entre nous et nous, même si c'est médié par le dispositif. Et la question du coup, que j'avais par rapport à ça, elle est aussi en lien avec la pièce de Knut Victor qu'on vient d'entendre. C'est que cette pièce sonore a une forme de singularité. C'est qu'elle ne semble pas tout à fait avoir de début ou de fin. C'est une pièce qu'on peut un peu prendre par le milieu, j'ai l'impression, qui nous donne un encours, qui nous permet d'attraper le présent, et qui vient peut-être aussi participer à la façon dont ce dispositif transforme un peu les choses. Donc voilà, je voulais savoir comment vous avez choisi le genre de pièce sonore que vous aviez diffusée à l'intérieur, et si cette question justement d'attraper le présent, d'avoir des pièces comme ça qui potentiellement peuvent commencer à des endroits indéterminés, même si ce n'est peut-être pas le cas d'ailleurs, vous allez nous le dire, participer aussi de la démarche qui était la vôtre. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai en tête. Je réponds sur ce que tu as dit avant, sur ces questions d'environnement, etc. En fait, ça me renvoyait à une expérience qu'on a eue une fois qui m'avait assez étonné, qui est que j'avais en tête que pour pouvoir écouter correctement dans l'ossonante, il fallait un environnement calme, voilà, sans s'embrouiller autour. Et on a fait l'expérience un jour parce qu'on était contraint d'un environnement extrêmement bruyant, et ça marchait d'autant plus qu'en fait on rentre dans quelque chose, on se bouche les oreilles et notre écoute elle n'est pas du tout partagée, hein, c'est-à-dire qu'il peut se passer tout un tas de choses, de gens qui discutent, etc. Et là en fait on rentre dans un autre espace sonore entre guillemets, quoi, et c'était assez étonnant. Ensuite, ta deuxième question. C'était sur l'encours, prendre la pièce sonore, oui, par, ouais, le milieu. Alors oui, moi il y a vraiment une évolution aussi entre le début de l'ossonante et maintenant sur à quoi sert ce dispositif, ou où est-ce qu'on va l'insérer, qu'est-ce qu'on va faire écouter. Au départ, j'étais vraiment parti sur faire écouter des récits d'habitants. Donc c'était être sur des lieux en extérieur, in situ. On avait fait un travail au bord d'un lac, avec des gens qui viennent nous raconter l'histoire du lac, les légendes, etc. La voix, ça passe extrêmement difficilement, c'est compliqué. Et petit à petit, en fait, on a le dispositif par sa vie propre a fait qu'on a découvert d'autres types de sonorités, les œuvres de Knut Victor. Effectivement, là, on cherche pas à raconter une histoire du début à la fin. Et se plonger dans un temps d'écoute, et ces œuvres-là s'y prêtent totalement. Et de la même façon, là, on a des pièces qui durent 30 minutes. C'est impensable. Pourtant, j'y ai passé du temps, ce dispositif. Jamais je reste une demi-heure collé là-dessus. Et en fait, c'est d'autant plus intéressant que des fois j'y viens, la piste est en cours, et en fait je vais la prendre par un autre moment et me faire mon début, ma fin, quoi, et redécouvrir des moments de ces séquences. Je crois, là, si on prend le lien aussi avec le travail de Sabine, c'est écouter ce que l'on n'écoute pas habituellement, en fait. C'est véritablement... se mettre dans une disposition et un dispositif d'écoute pour saisir ce qui est là habituellement, mais auquel on ne prête pas attention de façon aussi importante. Thomas, peut-être, puis après je passerai la parole à Marc et à Sabine pour peut-être voir si vous voulez réagir à ce travail de la l'ossonante. Mais Thomas, c'est un projet qui a démarré quand même il y a déjà assez longtemps. Oui, effectivement. Enfin, j'ai eu des premières expérimentations déjà avec le LOM, le Laboratoire Acoustique Universitaire du Maine, déjà dès 2009, avec des dispositifs qui s'appelaient Station d'écoute solidienne, qui a été après relayé aussi sur Paris avec des expositions avec l'école et la Fondation des Sourds et Muets, où on a travaillé avec la compositrice Pascale Criton. Et donc là, on avait travaillé aussi sur l'écoute de personnes en situation de déficiente auditive et comment en fait ces sons peuvent être parfois, avec certaines pathologies, mieux écoutables que de manière audible. Donc en fait, c'est ce lieu, en fait, ce dispositif qui devient un lieu d'écoute commun par sa présence, en fait, converge vers certaines personnes en situation de handicap auditive et des personnes à audition dite normale peuvent converger et dialoguer de manière vraiment spontanée. Ça nous est arrivé lors de nos expériences aussi bien avec le Sonante. Et il s'avère que voilà, on a vraiment des échanges particuliers qui amènent au vivre ensemble. Tous ces dispositifs-là, donc à la suite, on a continué avec la collaboration avec Sébastien. Sébastien a un parcours plutôt de géographe et moi un parcours plutôt de plasticien et architecte, et Sébastien a aussi des qualités de musicien. Et cette complémentarité de nos profils ont amené à travailler sur le Sonante qui nous a permis d'avancer sur ces sujets-là fortement. Et moi, je suis très content de ce qu'on a pu arriver aujourd'hui au pavillon français pour exposer ce dispositif. Mais est-ce que le point que je trouve original et qui est peut-être que vous venez de dire et qui n'est peut-être pas présent dans l'écoute comme on le voit là, c'est que c'est aussi un dispositif ouvert à la création. Il n'est pas là uniquement pour passer des sons qui préexistent, mais il est là aussi pour appeler à la création de sons ou d'univers sonores ou de montages sonores pour écouter les choses différemment. Et c'est peut-être le lien avec l'architecture, et on verra après avec le territoire, c'est que tout dispositif est en soi potentiellement un instrumentarium ouvert à création, et que peut-être vos enfants, Sabine, mais nous tous, chez nous, on joue en fait des lieux d'un point de vue sonore, on les fait sonner, on résonne avec eux, on se met en modus vivendi, on passe d'une pièce à une autre, on claque une porte, on parle d'une certaine façon. Et autant un instrument de musique dit ça instantanément, qu'on joue avec, hein, mais autant nos dispositifs construits ou les dispositifs comme l'allo sonante, enfin voilà, les considérer aussi comme des appels à composition et peut-être avec d'autres grammaires qu'uniquement la composition musicale, c'est ça qui est pour nous radicalement nouveau, et peut-être d'autres grammaires qu'uniquement aussi la question du paysage sonore, hein, d'autres modalités d'écoute. Je propose, vous allez continuer à débattre, mais que ce soit Marc et Sabine qui prennent la parole peut-être sur ces questions-là. Ouais, ma question est vraiment un prolongement de ce que tu viens de dire, Nicolas, et aussi ce que tu as dit, Damien. Autour de la question de l'eau sonante comme une nouvelle forme, un nouveau dispositif d'écoute, et comment toute forme de musique, d'une manière, se développe avec des formes d'écoute particulières, que ce soit des lieux ou des jukebox ou des téléphones ou des... Alors je me demandais, en tant que musicien, est-ce que tu as composé en fait pour... est-ce que tu as composé pour l'eau sonante? Est-ce que c'est quelque chose que... Alors j'ai essayé, mais je compose pas vraiment, et c'est extrêmement difficile en fait. Ça demande de vraiment penser complètement autrement, de travailler. Voilà. Donc, par contre, on a fait appel à des compositeurs, des gens qui travaillent dans les musiques électroacoustiques. Et il y a quelqu'un qui était venu, qui a fait une écoute de l'eau sonante et qui a. On a regardé ensemble, voilà, on a fait une analyse des fréquences qui étaient intéressantes, des timbres qui étaient intéressants. Et il a composé deux petites séquences spécialement pour l'eau sonante. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu dans cette démarche-là qu'il y aurait un énorme travail à faire. Là, ouais. Sabine ? I think I would like to say something about the experience of the insonant, which is really, when we talk about making people more aware of sound, there is this moment when you experience the installation, how this sound enters your body through the bones and not through the air as we are used to it. You understand that there is, because we all, like even now we're sitting on this metal platform and the platform is constantly vibrating here, but we don't think about these things usually. But the installation really forces the listener to accept that there is this, material carries sound. And this awareness of how we always have sound from a lot of different places. And it's can we escape it or can we not escape it? And I think when we're here and we have we hear these sound recordings, we zoom in, right? We are the ear is able to zoom in. We zoom into the recording. We try to block out or to force the sound here of the air conditioning into the background. And the ear is very well capable of directing the attention to a certain place. But at the moment when you put your elbows on the instrument, you actually cannot escape it and you cannot zoom in or zoom out. It's really near you. Mm-hmm. So that I think is a really strong experience. Yes, two things maybe. Yes, some people talk about vibroscape to talk about the other vibrations of the materials and the environment around us. And indeed, the lieutenant nous guide. Comment on dit, je parlais peut-être en français. Ça, Donc le sonante nous emmène vers ces questions de paysage vibratoire. Enfin, je sais pas comment il faut le dire en fait, mais voilà. Par contre, autant ça peut nous amener à nous aider à prendre conscience d'une façon d'écouter par la vibration. Autant je trouve que ça a du mal encore où il y a un travail à faire pour aller vers cette écoute de tout ce qui est vibratoire autour. Et je trouve qu'il y a un côté dans l'objet en fait qui est difficile à dépasser, qui est, enfin je suis un peu désolé de dire ça, mais l'aspect gadget où en fait, et on le voit très bien dans des expositions comme ça, c'est-à-dire qu'on passe à toute vitesse en fait. On va y passer 30 secondes, on va y passer une minute. Donc qu'est-ce qu'on en retient si ce n'est que, ah tiens j'ai fait ça la semaine dernière. Voilà, et c'est assez difficile, c'est-à-dire qu'on a toute une envie, on projette énormément de choses, qui sont réelles et très intéressantes, mais voilà, comment est-ce qu'on arrive à dépasser ça et à vraiment travailler plus en profondeur, ça c'est vraiment une difficulté quoi. Oui, alors l'écoute, c'est du temps, on le sait, c'est prendre du temps. Et pour justement peut-être arriver à saisir d'autres choses que le flux des médias et des perceptions que nous vivons. Marc Higgin, vous êtes anthropologue, chercheur au Cresson, à AU. Alors, vous êtes seul ici sur le plateau radio, mais en fait, le travail dont vous allez parler est un travail collectif. Hein. Il y a Théo Marchal, Jules Macoisan, Sébastien de Perta et vous-même. Et Cédric Pichat. Et d'autres. À chaque fois que vous interprétez votre travail, c'est aussi l'occasion d'inviter des gens à rentrer dedans. Ouais. On verra ça tout à l'heure d'ailleurs, parce que la performance sonore à 18h reprend un peu ce travail-là, mais l'augmente. Ouais, c'est un sort de spin-off. Un spin-off de votre travail. Ouais. Alors, donc, vous êtes anthropologue, vos recherches portent sur les pratiques quotidiennes de la vie sociale, la place du non-humain dans les manières d'habiter le monde des humains, et donc nos relations avec l'environnement, les animaux, mais la matérialité et ses déchets. Alors, ce travail-là dont vous nous avez déjà un tout petit peu parlé, hein, en débat avec le travail de Sabine, s'appelle les sirènes du Drac. Alors je vais le dire tout de suite, c'est un tropisme grenoblois là où est situé notre laboratoire. Le Drac, c'est une rivière qui se jette dans l'Isère et qui est une rivière d'ailleurs qui n'est pas endiguée ou peu endiguée, vous nous direz. Non, elle est beaucoup. Oh. Mince, je dirais plutôt encore une rivière sans. Ouais, je dirais plutôt très endiguée. Ah, très endiguée. Ouais, avec donc des parties non endiguées. Et donc c'est un petit peu un lieu dans lequel il y a une industrie pétrochimique. Ouais. Pétrochimique. Pétro. Non, pas pétro. Que juste chimique. Que chimique, ouais, c'est ça. C'est chimique chlore. Et donc on a un paysage qui est assez atypique en fait, qui est fait de collines aussi. Et vous êtes parti de cette situation-là. Ouais, tout à fait. Alors, ouais, je vais vous donner une petite introduction au territoire. Après, on va écouter un portrait sonore qui a été monté par Seb, qui vous donne à l'oreille un peu de la complexité des différents voisinages qui façonnent ce territoire. Et après, on va parler un peu des sirènes et de l'installation. Alors, ce territoire qui est au sud de Grenoble, comme Nicolas l'a dit, mais encore dans le périmètre du métropole, et ce que les Américains diront comme un flyover country, un pays de survol. C'est un pays ou un lieu qu'on voit à travers la fenêtre, plutôt de voiture ou de train, en route pour un ailleurs. Mais ce territoire qui, d'une manière, se cache sous ciel ouvert, pour nous, elle porte la clé pour comprendre toute l'histoire et l'évolution de cette ville. D'une ville assez particulière, je dirais, qui développe vraiment dans un nœud entre à la fois l'industrie, la science, l'ingénierie et le militaire. Alors, je pourrais tirer plein de différentes fils, mais je vais tirer qu'une, qui est celle de l'eau, ou plutôt les rivières. Alors, comme Nicolas a dit, ce territoire est traversé par le Drac, mais aussi la Romanche. En fait, la confluence est plein au milieu de ce territoire qu'on voit. Il a une carte, en fait, derrière vous, sur le mur, là, tout petit. Ouais, c'est pas très utile. Il a une confluence de deux rivières majeures de montagne qui, avec l'Isère, un peu à l'ouest, ont été responsables pour d'innombrables inondations de Grenoble. Toute l'histoire de Grenoble est traversée par des inondations. Alors, ces rivières ont été d'abord source de danger, de risque, mais depuis les temps romains, depuis les Moyen-Âge, c'est aussi une ressource. Alors, c'est un site, ce site qui nous intéresse, qui est cet arrière-pays sud de Grenoble, c'est un site où s'est concentré plein d'efforts d'infrastructures, d'endiguement, de canalisation, des infrastructures à la fois d'irrigation et de drainage qui ont nourri toute une agriculture de la plaine. Parce qu'en fait, il y a longtemps, ces plaines n'étaient pas nourricières. Toute l'agriculture se faisait sur les pentes. Infrastructure d'alimentation, d'agriculture. Deux, de force motrice. Alors depuis les Moyen-Âge, en fait, il y a eu tout un écosystème d'industrie, de petites industries, plus ou moins petites, qui s'est tissé autour de cette infrastructure de l'eau, de canal, de rivière, qu'il utilise comme force motrice. Et après, au 19e, quand il a eu l'invention de la turbine hydroélectrique, c'est le site où il a eu tout un développement d'une industrie lourde. Alors c'est cet héritage dans lequel, d'une manière, le territoire d'aujourd'hui se dessine. C'est vraiment un mosaïque, un patchwork à la fois d'industrie lourde. Alors deux plateformes chimiques qu'on a évoquées plus tôt, qui a une spécialité dans la chimie de la chlorine, du chlore. Il a aussi la génération de l'électricité, toute une infrastructure de réservoirs, de centrales hydroélectriques. Il a aussi plein au milieu de ce territoire un immense centre de distribution d'électricité. Alors plein de fils haute tension qui passent par là. Il a aussi, et là on part d'un carré, un quelques kilomètres carrés, on a aussi un réseau ferroviaire, autoroutière, on a aussi les captages d'eau potable du métropole à 500 mètres des plateformes chimiques. On a aussi une réserve naturelle. On a aussi des grandes décharges de l'industrie de la construction. On a aussi, on a quoi d'autre là ? On a des gens qui habitent. Tout simplement, en fait, toutes ces parties, on a la ville. On a à peu près un demi-million de personnes qui vivent dans le métropole de Grenoble, qui est juste dans les voisinages de tout ça. Alors, on va passer à l'écoute du portrait sonore et ouais, qui vous donne un peu cette sorte de voisinage complexe. Thank you. quand on est passé, moi c'est le genre d'endroit que j'aimerais habiter. Ah oui. C'est oui. Vrai, il y a plein de gens qui... Alors, il y en a qui sont réticents. Oui, alors moi, je ne suis pas qualifiée. C'est psychologique en même temps, mais c'est vrai, mais là... Alors, c'est... je vais vous expliquer un truc. Vous ne répéterez à personne. Si ça sort d'ici, je ferai que c'est bon. ici, là, c'était tous des anciens qui avaient. Là, ils ont acheté, là, c'était son père à elle. C'est tous des gens de... c'était des millions de... que nous, on a acheté. Et bien, c'est tous des gens qui se sont fait très vieux. Très vieux. Ouais. Donc, le courant, à mon avis... Ça dépend. Vous mettez des vaches dans un pré, elles donnent deux fois moins de lait quand il y a les pilotes. C'est vérifié, ça? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est vérifié. Moi, j'ai mes abeilles qui sont pas loin, hein, sont à côté. Il y a des études, de fait. Ben, ouais. Elles marchent mieux ici qu'à dans Trièves. Oui, ben, ça dépend. Ah bon, pourtant, dans Trièves, ça marche. Ben oui, mais ici, ça marche mieux. Merci Jules. Alors là, on a ce que Jean-Paul Thibault, nos collègues, a appelé un calme complexe, où les éléments à la fois naturels, artificiels, se mélangent, se confondent. On a aussi entendu, mais c'est assez difficile dans ce contexte de l'entendre, il a eu un bribe de conversation qui était enregistré par notre collègue Laïs Chanvian, qui était un sorte de rencontre entre habitants de la ville et habitants d'un lieu. En fait, c'est une petite row of houses, on dirait en anglais. Une petite, en fait, c'est les maisons ouvrières pour les gens qui travaillaient dans le centre de distribution de EDF. Alors, c'est à peu près 10 maisons qui sont sous peut-être une vingtaine de lignes électriques haute tension. Les habitants de la ville, c'était à la fin d'un parcours commenté, où les habitants, les trois dames disaient « Mais c'est épouvantable ici, c'est épouvantable. » En entendant le grésillement des lignes de haute tension, il a une charge presque corporelle dans l'air. Et c'est la rencontre avec un habitant du lieu qui explique à la fois, en fait, c'est tous les retraités, des gens qui travaillaient dans l'industrie, qui se font très vieux dans ce lieu. Et c'est surtout une des dames parle de mais en fait sous les lignes électriques les vaches donnent beaucoup moins de lait, et lui dit mais moi j'ai des abeilles ici, j'ai des abeilles en Trièves, alors en campagne, en pleine campagne, et pour lui dans son expérience les abeilles donnaient beaucoup plus, étaient beaucoup plus sains et donnaient beaucoup plus de miel là sous les lignes électriques qui donnait en pleine campagne. Alors on a une sorte de confrontation de ce que Laïs appelait une oreille morale. Et ce que je veux dire là, c'est la manière dont, comme habitant, on s'habitue à un lieu. On s'habitue à force de vivre dans un lieu. Il a des choses qui va dans le background et des autres choses qui captent notre attention. Quand on est visiteur dans ce lieu, tout ce qu'on entend, c'est le grésillement. On ne peut pas le supporter. Quand on y vit pendant des années, en fait, ça fait juste partie de l'ambiance sonore de ce lieu. Pardon, je m'entends encore là. Je ne m'entendais pas avant. Alors bref, c'était cette sorte de mise en scène d'une confrontation de deux différentes oreilles, deux différentes manières d'écouter. Alors, on a entendu à la fin une des sirènes. de ce lieu. Alors, l'installation tourne autour de l'enregistrement. Tous les 3 mois, tous les sirènes de ce lieu sont testées. C'est un drill. Et ce qu'on a entendu, c'est la sirène des pompiers. Alors ça, c'est la sirène qui va sonner quand un des plateformes chimiques explose. Alors ça veut dire rentrez, mettez-vous à l'abri, fermez les fenêtres. Il y a aussi une autre qu'on appelle la corne de brume, le foghorn. Ça fait comme un paquebot qui arrive au milieu des montagnes. Et ça, c'est plutôt pour le risque d'inondation et surtout de rupture de barrage. En amont de ce territoire, sur le Drac et sur la Remanche, il y a à peu près 11 barrages, 11 lacs. Si un pète, ouais, surtout si un pète en haut, ça va être faire une chaîne, un tsunami qui vient. Et là, c'est la même chose. Le sirène, la sirène sonne et il faut se mettre en hauteur, le plus vite possible. Alors, ce qui nous intéresse là, c'est que ces sirènes font partie du quotidien. Quand j'ai arrivé de l'Écosse à Grenoble, quand j'ai entendu pour la première fois, je crois que c'était la fin du monde. Je crois que c'est la Troisième Guerre mondiale j'avais jamais entendu ça. Après quelques mois, après quelques années, j'y prête pas trop attention. Sauf, en fait, ça fait des effets assez beaux avec la résonance des vallées. C'est plutôt une attention esthétique plutôt que j'ai pas peur. Alors, ça fait partie tout à fait du quotidien, mais ces sirènes ont vocation, en fait, d'intervenir dans le quotidien. Comme je disais avant, ces sirènes sont là pour tester le matériel, mais aussi pour préparer les habitants. En fait, quand cette sirène sonne, il faut faire ceci. Alors, ces sirènes font semblant qu'en fait, que les gens prêtent attention, en fait, à ceux qui se voisinent. C'est ça tout le paradoxe de la chose. En fait, ils ignorent, pour la plupart, ceux qui voisinent. Mais c'est pour nous, ces moments des sirènes, c'est vraiment quand le territoire se révèle, où les failles de ce territoire se donnent à l'oreille. Et c'est... Ouais, je vais finir là pour ouvrir à une... On peut peut-être parler de l'installation un peu plus. Ouais. Ah, très bien, merci pour ces éléments. Et tu évoquais la notion de background tout à l'heure. Et effectivement, c'est une installation, en tout cas, ce qu'on a entendu là, et ce qu'on comprend aussi, hein, dans cette notion de quotidien était assez présente, c'est finalement quelque chose qui donne à entendre un arrière-pays, très clairement. Et ce qui est là, ce avec quoi on fait... Ce qui n'est pas vraiment l'objet d'un construit, mais qui en même temps est quand même construit, ou en tout cas qui est complexe et composite. Et là, ce que je me demandais, c'est bah, pour vous, finalement, les difficultés, c'était lesquelles dans la restitution, bah, dans la captation, dans la restitution de cette et la restitution, pardon, d'un tel arrière-pays. C'est-à-dire l'installation qu'on a ici n'a pas les mêmes dimensions que le territoire qui est donné à entendre. Et du coup, comment on travaille avec ça? Comment vous y êtes pris? Et puis, deuxième question enchaînée, il y a un travail de captation, restitution qui vise un petit peu à naturaliser cet environnement. Et il y en a un second qui fait aussi résonner les choses avec des artistes, des musiciens qui viennent improviser avec ça. Et quelle est l'intention aussi qui se joue là, peut-être? Ouais, alors, pour répondre aux premières questions, ce qu'on a entendu, c'est un enregistrement d'un endroit. Et ce qui est intéressant, c'est que ces sirènes, en fait, c'est tout un territoire qui est... C'est pas un emplacement particulier que les sirènes visent. Le premier sirène, c'est en fait dans tout le bassin grenoblois que ça sonne. Et les sirènes ont des sources variées et dépendant de où on est, ils sonnent complètement différents. Alors ce qui nous intéressait, c'est de faire un exercice où on n'est pas juste là à le capter une fois dans un endroit discret, mais plutôt d'essayer de capter toute une pluralité de ces... toute une pluralité de différents points d'écoute dans un territoire. Alors c'est ce qu'on a fait. C'était tout un exercice de synchronisation, tout un protocole qui était mis en place pour essayer de le faire, ce qu'on a fait. Une des choses qui est intéressante, c'est que en fait, c'est un dispositif très simple. On était sur le territoire, c'est le même 40 minutes qu'on a enregistré dans 8 différents lieux. Et en fait, ces 8 lieux, ils ne sont pas du tout changés, montés. Juste, monté sur un logiciel, mais chacun de ces lieux garde leur propre channel. Et l'idée, c'était de ne pas les mélanger, de ne pas les mettre ensemble, comme on a l'habitude d'écouter d'une pièce de musique. C'est en fait, tu as plein de différents instruments qui sont mixés, soit en mono, soit en stéréo. Ici, on voulait garder d'une manière ces pluralités de points d'écoute. Et une des choses qui était intéressante, c'est quand tous ces points d'écoute deviennent des points de diffusion. Alors dans la pièce là-bas, il a sept haut-parleurs et chacun de ces sept haut-parleurs balance dans l'espace un point d'écoute. Alors d'une manière, en marchant dans la salle, là, on marche d'une manière dans une carte, une sorte de mise à l'échelle du territoire. Et c'était dans les différentes configurations qu'on a fait, c'est une des choses qu'on a trouvé très intéressant, en fait, cette représentation d'un territoire qui vise pas une fidélité, c'est pas une carte qui essaye de recréer ou de créer à nouveau un lieu, un territoire, les dimensions spatiales d'un territoire par le son. Qu'est-ce que ça fait d'enquêter et de représenter par le son? Alors ça c'est vraiment au cœur de ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse là. Et après le deuxième itération de l'installation qu'on a parlé, on a invité une association qui s'appelle Apnée. Alessandro De Checo est là avec nous. Alors, c'est quatre musiciens qui... Alors, on a utilisé le même dispositif, mais dans quatre de ces points d'écoute, il y avait quatre musiciens qui ont joué. Une sorte d'improvisation collective, mais dispersée. Alors, j'ai parlé un peu de ça avant, alors peut-être que j'y répète pas trop, mais tout l'intérêt, c'est ouais, comme je disais avant, c'est de cumuler ces sortes de détournements de l'oreille, ces modes d'écoute, pour essayer de donner à nouveau ou de voir à nouveau un territoire qu'on pense connaître. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si nos autres invités veulent réagir ou si on... Ah, Perrine. En fait, justement, tu disais des sons qu'on... par rapport à des relations au monde qu'on ne connaît pas et grâce aux sons on pourrait le connaître. Et justement, est-ce que vous avez passé ces sons aux habitants? Ouais. Et quel type de réception, de retour, peut-être d'expérience qui se découvre avec vous avez pu recueillir? Alors, on a fait beaucoup de réécoute, mais pas nécessairement sur des sirènes, mais plutôt des enregistrements du territoire, qui est toujours un exercice très intéressant, qui a beaucoup été développé au Cresson, un peu comme ce qu'on disait avant, cette sorte de détournement de l'oreille, de réentendre son lieu, le lieu où on habite, mais d'une manière différemment. On a joué ce dispositif d'installation dans les jardins de la ville, non, les jardins botaniques à Grenoble. Alors c'était un lieu où plein de gens connaissaient bien le lieu. Il avait même pas mal d'habitants de Pontclet et tout le reste qui venaient. Et pour un moment, au début, ils ne reconnaissaient pas du tout où ils étaient. Mais il a quelques habitants de Pontclet et de Vars qui commençaient en fait à redécouvrir leur territoire, mais en miniature, bizarrement, comme dans un miroir qui reflète une image, mais d'une manière complètement... Il y a... Alors, je sais pas... Ouais, je crois pas... Ouais, j'ai pas eu de retour où les gens... C'est pas un moment que les gens, tout à coup, découvrent une sorte d'anxiété ou d'angoisse autour de ça reste. D'une manière, le danger avec ce dispositif, c'est que ça normalise, ça esthétise quelque chose encore plus, ça le rend encore plus loin. C'est presque plus facile d'oublier en fait ce qui est derrière ces sirènes, cette sorte de ce précipice potentiel qu'on côtoie tous les jours. Cette sorte de violence inhérente d'une manière à cette infrastructure qui façonne ce territoire, qu'on n'a pas conscience de. Et je ne suis pas sûr si encore l'installation... Ouais, pour le moment, elle n'a pas vocation d'une manière à susciter une sorte de prise de conscience, ou pas directement, mais c'est quelque chose à... Ouais, à réfléchir. Pardon, c'est pas une bonne... Ouais. Mais ça, je propose qu'on enchaîne, en fait, alors toujours avec un peu Marc comme compagnon, par rapport à la séquence, la contribution enregistrée de Tim Ingold. Et parce que justement, elle nous montre cette... Enfin, il débat de l'importance de l'écoute et que, voilà, que peut-être ça nous permet de rentrer dans une autre compréhension et rapport... au monde. Alors, je dis deux mots sur Tim, et puis donc Tim Ingold est vraiment considéré comme l'un de nos anthropologues les plus importants aujourd'hui. C'est vraiment une figure marquante, hein, de l'anthropologie contemporaine. Il a développé une approche relativement nouvelle de l'environnement et joué un rôle pionnier dans l'articulation entre le social, l'écologie, ainsi que dans l'attention portée à la question du vivant. Il refuse les dualismes et ça l'a conduit à élaborer une pensée complexe. Une pensée complexe à la suite, hein, d'autres auteurs comme William James, etc., des devenirs, des processus. Donc il a été professeur à l'université de Aberdeen et il témoigne un intérêt tout particulier sur la question de l'enseignement et de la pédagogie, mais en faisant un pas de côté, évidemment, par rapport à peut-être ce qui peut se dire habituellement. Et dans ces questions d'éducation et de pédagogie, le sonore joue un rôle tout à fait singulier. Marc. Oui, bon, je dirais que, en fait, le sonore, le son, est là dès le début. En fait, Tim, il commence sa carrière comme un ethnographe assez traditionnel. Avec Carlotta, on parlait de ça hier. Comme un ethnographe assez traditionnel, qui travaillait avec les Samis au nord de la Finlande, Suède, Norvège. Les années 80, il commence à parler plus largement des questions des relations avec l'animal, avec la domestication, le pastoralisme, toutes ces questions-là. Et dans les années 80, il commence là surtout il ouvre une sorte de deuxième chapitre dans sa carrière où il devient un anthropologue à la française. Alors d'une manière, c'est un trahison pour l'anthropologie plus anglo-américain. Et il fait une anthropologie un peu comme Descola, Lévi-Strauss, les autres, une anthropologie comparative, mais un tout petit peu différemment. Et ce qui l'intéresse, c'est vraiment de développer toute une ontologie, mais surtout une épistémologie du monde qui essaye de recadrer nos manières de poser nos questions, en fait, de manière de poser nos questions de relation au monde. Alors, dans l'extrait qu'on va écouter, il se demande... je lui ai juste posé une question très ouverte sur comment sonne le monde. Et il a pris, comme, d'une manière comme accroche, un problème philosophique, presque un cliché philosophique, qui est celle de si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'a personne autour, est-ce que l'arbre, le tomber de l'arbre, fait un son? Alors il le prend et... Vous allez écouter, il le cadre et après il démonte ce cadre. Et il démonte ce cadre pour ouvrir une autre manière de penser qui ne fait pas cette bifurcation entre l'objectif et le subjectif, comme Nicolas a dit. Ouais, peut-être on écoute et après je peux. 10 minutes, hein, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Merci. En anglais. Ça, c'est les sons d'Aberdeen, là, les mouettes. My name is Tim Ingold, and I'm an emeritus professor of social anthropology at the University of Aberdeen. And I would like to take a bit of time to say a few words about sound. And our first question, of course, must be what we actually mean by sound. If you ask a physicist, they will tell you that sound consists of mechanical or longitudinal waves conducted through a medium, such as air, and that these waves travel from a source, a vibratory source, to a recipient that could be your ear. But in the physical sense, a sound can exist regardless of whether any ears are around to pick them up. They're simply the mechanical vibrations being conducted through a medium within a certain range of wavelengths. Ask a psychologist, however, and they might give you a slightly different answer. They might say that no, sound is actually what we hear. It's something that we register within our own minds on the basis of an input of sensory data from the ears to the brain. But the sound is something that is registered in the brain. It's not something that is out there in the world. So we seem to be faced with a choice between two senses of what sound could be. Either it's a purely physical phenomenon, or it's a purely mental or psychic phenomenon. Both answers depend on our making a rather rigid distinction between the physical world out there and the mental or psychological world, as it were, in here, as though there was a really fundamental boundary between the mind and the world. But I would argue that that's not how it is in our experience. And sound is first and foremost a phenomenon of experience. When we're listening to sound, we're in a sense hearing our own awareness of it, so that in some sense sound and hearing are one and the same thing. But that hearing is not an inner mental sensation. It's rather something that happens when the boundaries between the mind and the world seem to collapse or fade away altogether. So let me give you an example. We are often given a kind of thought experiment, which goes like this. Suppose a tree falls in a storm, lands on the ground with a great thud. Then the question is, would there be a sound? Would the tree make a sound when it falls if no one is around to hear it? And of course, the physicist will say, yes, it makes a sound because waves are emitted. And the psychologist would say, no, it doesn't make a sound because there's nobody to pick it up and process it in the mind. But let us now imagine that we are out there. Instead of conducting this rather abstract thought experiment, let's imagine that we're actually out there in the world, in the forest, and a storm is going on and a tree falls. And in the moment of that tree's falling, we are completely caught up in that event, maybe unwillingly, but there we are, swept up in the event of the tree's falling. And we feel it really inside in our guts. We feel this tremendous sound, and it seems to take us over, as though we and the tree were for a moment bound up together in this extraordinary event. So when we hear the sound, it's not as though the tree was emitting the sound as a package of which then arrived at us and we thought, oh, that must be a tree falling. It's rather that in hearing the sound, we become participants in the event itself. And that's what the sound itself consists in. Or perhaps to give another example, again, you're in the forest, a storm is going on, and there's thunder and lightning. And you hear this great rumble of thunder. And again, the physicist will tell you that, well, this thunder comes from a particular source. There's a kind of explosion, which then travels from the source to your ears. And we know that it takes a certain amount of time for thunder to travel from the source to the ear. That's in the physical sense. But as you listen to the thunder rolling away, that becomes an event that carries on with a duration of its own, in the real time of your own experience. So we have to distinguish between two senses here, or two lines of sound, if you will. There's the line of transmission that connects the source in the thundercloud to the recipient, that is your ear. And conventionally, we might draw that as a kind of straight line from one to the other and say, yes, it takes a certain amount of time for the sound waves to travel from one to the other. But that's one line of sound. But the other line of sound is the actual evolution of this sound in real time, in your own awareness, in your own consciousness. And that's the kind of sound that I'm talking about. It's the kind of sound that arises when our own awareness meets and mingles with the real-time unfolding of a cosmic event. It's where the affective merges with the cosmic. And in that sense, I would say that sound is neither physical nor mental, but atmospheric. So let's treat sound as a phenomenon of atmosphere, as the underside of our own experience of hearing. And then ask, well, what does that mean for our understanding of the ear and of the body? Because we can no longer think of the ear then simply as a receptor organ that is picking up signals from a source and sending them to the brain for processing and interpretation. Rather, in a sense, the ear signifies the attentiveness of an entire body that is, so to speak, on oral alert, that is alert to everything that is going on in your surroundings. So instead of being a body with ears, you become something like an ear body. Your whole body becomes an antenna that is reaching out and attending to this unfolding of the events in the storm that is going on around you. So we have to think of the body then not so much anatomically as something like a bundle of affects. Just to give you an example of what I mean, let's take that famous episode in Shakespeare's play Julius Caesar, where Mark Antony makes a speech, he gets up on the podium and he says, "Friends, Romans and countrymen, lend me your ears." Now obviously he doesn't mean that everybody should cut their ears off and give them to him. What he means by "lend me your ears" is that please give me a voice. That is, that when I open my mouth to speak, let it be heard. And in lending their ears, he means he wants those people in the audience to stretch out their oral attention towards him so that he can have a voice, so that it may be heard. And I think there's something very fundamental about this, because then it shows that sound and hearing not only become ways in which we participate in a world. We're not just consuming sound, picking it up and interpreting it. We're complicit in its very production. But by lending our ears to the world that surrounds us, we are actually giving that world a voice. So it's not as though when we listen to the sounds of nature, for example, it's not a way of our taking possession of it. It's rather a way in which the world itself takes possession of us, and in doing so, allows us to lend our own ears to what is going on, and in that way, to give nature itself a voice. So the tree, if we go back to that tree falling in the storm, it's not so much that we are taking possession of the world, but it's the way in which the world is taking possession of us. The tree, of course, doesn't have a voice of its own. It doesn't have vocal cords. It doesn't have ears. It's just a tree. But in lending our own voice to the tree's spasm as it falls, we give that tree a voice that it wouldn't otherwise have. And I think that is really where the true meaning of sound resides. Sound is the way in which, through attending orally to what is the world that is around us, we are not only possessed by the world, but also give that world a voice so that it can speak to us. Merci. Marc, peut-être nous aider, alors pour ceux qui sont moins anglophones, dont moi, peut-être quelques éléments de synthèse de ce qu'on vient d'écouter ou de prolongation. Ouais. Alors pour moi, c'est, ouais, comme je disais avant, il y a un prologue assez long où il met en scène cette bifurcation pour ensuite trouver un piste qui échappe la bifurcation. Alors, il définit à la fin, alors dans cette piste qui n'est ni objectivisant ou subjectivisant, il définit l'écoute comme la rencontre entre an awareness, alors une expérience sensible, et l'événement cosmique. C'est les grandes choses là, mais ça va du plus grand au plus petit. Alors, d'abord, l'écoute, c'est une rencontre. Alors, elle est ni purement physique, ni purement subjective, mais elle est atmosphérique. Elle est une question de médium. Alors, nous, comme humains, comme animaux, comme vivants, sont des êtres atmosphériques. Ça, c'est implicite dans ce qu'il a dit dans son anthropologie. Et là, pour lui, un être atmosphérique, ce n'est pas un corps avec des oreilles, avec des outils de sensibilité, de captation, mais c'est plutôt, on est ear bodies. ça marche pas très bien en français, des oreilles-corps. Tous nos corps, en fait, sont des... Ouais, c'est exactement ce qu'on parlait avant, en fait, avec l'eau sonnante, avec toutes ces capacités vibratoires du corps. Et là, il fait une précision, c'est pas un corps vibratoire, une corps comme antenne. C'est pas là pour capter le monde, c'est là pour être capté par le monde, pour être pris en possession par le monde. Alors là, il a quelque chose qui est un peu implicite dans ce qu'il a dit là, mais quand il parle de l'expérience sensible, dans ce qu'il développe dans ses livres, il a d'une manière deux éléments qui sont toujours en rythme. Qu'en anglais, il dit undergoing and doing. Alors il a toujours un élément de pathos dans la sensibilité, alors d'être possédé par le monde, mais aussi un élément actif. Et là, il part de cet élément actif comme giving voice to, donner un voix au monde. Alors à la fois, on est, le monde nous prend en possession, mais en même temps, notre attention lui donne une voix. Alors on est, peut-être c'est l'endroit de s'arrêter, mais juste pour dire qu'on est loin du sujet cartésien à ce moment-là. Merci. Je propose qu'on aborde la séquence avec notre dernière invité, Perrine Poupin, qui est sociologue, chercheur au CNRS, au sein du laboratoire AAU Cresson. Et Perrine, vos travaux de recherche sont sur les conflits urbains et environnementaux qui ont permis de mettre en évidence le rôle constitutif de l'espace dans les mobilisations collectives, de repenser les relations de ceci et des formes d'engagement qui s'y développent. Donc vous travaillez aussi avec une ethnographie filmique, des enquêtes qualitatives sur les communautés en ligne, en particulier dans les sites difficiles d'accès, pour énormément de raisons malheureuses. Et tous ces outils vous ont permis d'écrire de manière dynamique, contextuelle, des conflits en cours et sur des terrains à risque en Russie, en Ukraine, mais également en France, même si là, ça ne sera pas l'objet cette fois-ci. Donc, c'est sur le territoire ukrainien que vous nous amenez par le suivi d'un travail sonore que mènent différents artistes actuellement. Alors, est-ce qu'on commence par écouter un premier son ? On peut, ouais. Et après, on le commente. Merci. Si vous voulez écouter les autres extraits, en fait, c'est la pastille numéro 39 dans la salle d'à côté. Et donc là, je vais vous parler des paysages sonores en temps de guerre et dans, en Ukraine en ce moment. Je développe en fait des méthodes d'enquête qualitative pour rendre compte d'expériences ordinaires dans la guerre. Donc pas ce que vous voyez peut-être quotidiennement dans les médias, mais d'aller au-delà. Et je voudrais en fait insister sur le fait que cette documentation que je fais moi-même, donc cette documentation qualitative, elle rentre dans un énorme travail qui sont faits par les Ukrainiens eux-mêmes, que ce soit des acteurs culturels, des personnes ordinaires, des pompiers, des policiers, des agents de l'État. En fait, maintenant qu'on est à l'ère du numérique, du smartphone et des enregistreurs, en fait, à peu près, enfin, la majorité des Ukrainiens enregistrent en fait c'est des sons, des images de guerre. Et du coup, peut-être un des rôles en fait du chercheur, c'est bien sûr de documenter lui-même, mais aussi de visibiliser, de rendre audibles des documentations qui sont faites par des personnes ordinaires et qui, en général, ne sont pas sur les grands médias. Et c'est aussi une sorte de curation, on peut dire. En fait, c'est de faire émerger des sons qui, peut-être par les personnes qui les enregistrent eux-mêmes, paraissent anodins, mais mis en contexte, et c'est le rôle, encore une fois, peut-être du chercheur, comparé avec d'autres, avec d'autres travaux de chercheurs, travaux d'artistes, travaux d'ingénieurs son, travaux de personnes ordinaires dans d'autres contextes, en fait, nous donnent des pistes. Ce qui est intéressant, c'est donc il y a des enregistrements qui sont faits en Ukraine et qui sont aussi diffusés en Ukraine. Donc là, en fait, la diffusion a d'autres rôles que ce qu'on fait en ce moment à Venise. En Ukraine, en fait, au-delà de documenter les guerres, c'est aussi de faire du lien entre les personnes et des personnes en fait qui sont arrachées de leur territoire de vie et donc de arracher en fait des relations qu'elles ont avec leur famille, leurs collègues, leurs amis. Et donc par les enregistrements et par la diffusion sur Internet, notamment par des artistes ou des ingénieurs son ou tout type d'acteurs, ça permet aussi de se donner des nouvelles d'Ukraine, on peut dire, parmi les Ukrainiens, des Ukrainiens qui sont encore en Ukraine ou des Ukrainiens qui sont à peu près, en Europe et dans d'autres pays du monde. L'extrait sonore que vous venez d'entendre, en fait, ça a été pris par un ingénieur son ukrainien, donc Andriy Nijelski, et qui lui travaille en fait pour le documentaire, mais aussi pour des œuvres de fiction. Et qui trouvait un peu étrange que je lui fasse cette commande, justement, enregistre-moi des sons, parce qu'il a commencé, en fait, ce qu'on vient d'écouter, c'est sa cour d'immeuble en février 2022, et comme il est ingénieur son et reconnu internationalement, il l'a diffusé sur Instagram en disant, en anglais, en disant, voilà mes collègues, mes amis ingénieurs son du monde entier. Cette fois-ci, c'est pas pour faire un film ou un documentaire. J'ai pris du son en fait dans ma cour d'immeuble. Et donc il n'y a pas d'effet en fait, c'est du brut, on peut dire. Et donc j'ai écouté ça parce que André, en fait, je l'ai rencontré en 2015 quand j'étais en Ukraine. Il faisait partie d'un collectif de cinéastes ingé son Babylon 13. Qui en fait depuis Maïdan, donc depuis la révolution de la dignité en 2013 à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine, un collectif en fait qui ont fait beaucoup de petits films de 1 à 1 heure et qui ont diffusé sur YouTube gratuitement et qui continuent de documenter la guerre en Ukraine, que ce soit en Crimée, dans le Donbass, enfin dans tous les territoires. Et donc j'avais rencontré Andriy à ce moment-là, qui était, comme pas mal d'ingé-sons, en retrait par rapport au collectif de réalisateurs. Mais son travail m'intéressait parce que justement, il n'y avait pas tout cet accompagnement artistique, d'interprétation parfois, de surinterprétation des matériels sonores. Et ça m'intéressait justement de voir quelqu'un qui n'avait jamais la prétention, jamais de prendre la parole, mais qui finalement était dans toutes les situations, au front, dans sa cour d'immeuble, dans des territoires désoccupés, des territoires repris par les soldats ukrainiens à la Russie. Et donc Andriy, en février 2022, je lui dis, moi ça m'intéresse beaucoup, et puis je l'ai fait entendre, écouter aux collègues du laboratoire, et c'est vraiment une matière qui est intéressante. Et donc une aventure, on peut dire, a commencé de recueil. Donc à peu près tous les 2-3 mois, je lui demande des nouvelles, où est-ce que tu es et est-ce que tu as des sons à partager. Et donc lui, c'était un peu une extension de son travail habituel, parce que comme ingé son dans le documentaire de la fiction, dans les endroits qu'il visite, il prend toujours du son de différentes situations parce que ça peut servir pour un prochain film. Donc j'étais un peu un destinataire de ces enregistrements-là. Donc ce qu'on peut dire sur les paysages sonores et les relations avec le son, bien sûr, elles ont considérablement changé, comme vous pouvez l'imaginer, depuis l'invasion totale de l'Ukraine. Donc on était déjà en guerre depuis 2014, mais depuis février 2022, donc on est dans une guerre totale qui concerne tous les territoires de l'Ukraine. Et donc il y a de nombreux sujets qu'on peut interroger, expérimenter, explorer par le sonore. Donc, enfin, je vais pas vous faire une liste, mais de tout type de description, ça peut être des descriptions de paysages urbains, bien sûr, de territorialité, de villes, de quartiers, de vie, de bâtiments, d'immeubles. On peut aller jusqu'à la maison ou au lieu d'habitation. Et bien sûr, je fais une liste, mais à chaque point, il y aurait matière à faire un exposé sur aussi toute la description du patrimoine historique. Culturel, des milieux, des écosystèmes naturels. Et ce qui est très fascinant en fait avec l'Ukraine, parce que aussi c'est l'époque, pour toutes ces descriptions, il y a énormément de documentation pour rendre compte de ce qui se passe, mais aussi pour faire des procès, parce que pour pouvoir en fait, que ce soit dans l'urbicide ou dans l'écocide, pour reprendre des termes qui circulent, d'avoir des preuves et de savoir aussi quels sont les standards européens et mondiaux pour pouvoir avoir gain de cause après ça. Et donc ce que vous avez entendu rapidement ici, c'est vrai que ce qui est surprenant avec ces enregistrements-là, c'est contrairement à ce qu'on peut voir justement dans les médias ou dans les films en manière générale, où on est bombardé d'images, on est bombardé de sons aussi, mais qui sont souvent travaillés. Ici, ce qui est c'est pour ça que c'est des expériences d'écoute. Là, on n'a pas trop le temps d'échanger, mais d'écoute assez impressionnante. C'est qu'on est, c'est surtout le silence en fait qui prend la place. Et ce qui va avec le silence, c'est l'angoisse justement entre le système d'alerte et la bombe qui va atteindre un immeuble ou une personne. Et en fait, c'est une manière de pouvoir restituer aussi l'expérience d'angoisse, d'attente qui est vécue par les Ukrainiens et les Ukrainiennes, au-delà en fait, des feux et des lumières de ce qu'on imagine être la guerre. Et donc en fait on a tout type de sons. On peut avoir des sons d'alerte, d'ambulance, mais aussi des sons de la vie quotidienne. Donc dans cet extrait ou dans d'autres extraits, on entend toujours et très vite après un bombardement un aboiement de chien, des oiseaux. C'est très surprenant comme en quoi les oiseaux reprennent en fait s'approprient l'espace sonore quelques secondes après le bombardement. Il y aurait des études à... le goéland confirme. Et donc il y aurait des études à montrer aussi est-ce que les oiseaux, dans quelle mesure ils s'habituent ou comment ils sont touchés aussi par ces événements humains. Et donc derrière le silence, c'est ce que fait l'enquête aussi, c'est de voir que ce silence cache beaucoup d'expériences traumatiques. Et c'est difficile en temps de guerre même d'enquêter sur ces expériences traumatiques, parce que justement quand on est dans un effort de guerre, on doit tenir dans la situation. Et c'est très difficile en fait de partager ne serait-ce que ses propres doutes. J'ai pas mal d'amis par exemple, les statistiques disent 80% des Ukrainiens ont perdu de la famille ou des proches, ou en tout cas sont blessés. Et quand vous posez la question à des amis très proches, c'est très difficile de restituer vous imaginez du jour au lendemain, en fait, une société qui est très proche de la société française, qui n'a jamais connu la guerre depuis, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, une partie de vos connaissances ne sont plus là, donc une sorte de vide dans l'existence. Et c'est très difficile voilà, d'en parler. Et donc, là, parce qu'il y a voilà, le fait de tenir, de pouvoir continuer à résister et de ne pas s'effondrer dans, bah, dans les désespoirs ou les tristesses quotidiennes. Et donc, il y a plein d'études sur ces expériences traumatisantes, ces sentiments d'isolement. Et avec le son, sans les redonner à entendre aux personnes, parce qu'ils en ont déjà bien assez au quotidien, on peut en fait quand même, en tout cas par ceux qui les produisent, interroger comme ça leur expérience de la guerre. Je ne sais pas si j'ai quelques minutes ou peut-être un rebondissement. Soit Damien, soit nos amis. Juste peut-être sur ce dernier point, Perrine, il y a la question aussi du médium pour véhiculer les expériences dont tu parles précisément. Donc effectivement, on a bien compris le contexte de production, mais est-ce que peut-être tu pourrais nous en dire un peu plus sur la capacité là, du son à véhiculer ces angoisses particulières, ces affects particuliers, et en quoi, de ton point de vue, c'est vraiment le médium qui nous permet d'attraper cela à comparer, par exemple, de l'image ou autre quoi. Parce qu'il y a, effectivement, il y a différentes situations de diffusion aussi de ces extraits-là. Il y a des artistes des artistes sonores en Ukraine qui ont mis en place des radios en fait en Ukraine et qui diffusent ça on peut dire nationalement et pour du côté ukrainien c'est plus voilà pour faire du lien et pour documenter et donner à entendre le quotidien en fait, le quotidien qui est pas dans des grands mots ou des grandes expressions, mais quelque chose qui marquait beaucoup les personnes, notamment dans les grandes villes, mais c'est vrai aussi dans les plus petites localités, c'est cette voiture qu'on exècre trop un peu, en général quand on est citadin, en fait ce silence qui est inhabituel et qui est gênant en fait, parce que justement on n'a plus les repères du voisinage, de la circulation automobile, de la circulation, des avions, tout ce qui fait le quotidien. Et c'est plus dans le vide, en fait, que naît le trouble. Et aussi, en fait, au niveau du front de bataille, en fait, pas mal de témoignages aussi remontent sur le fait, on le disait déjà dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais c'est intéressant que les expériences se répètent et sont similaires. Finalement, en fait, quand vous êtes dans le feu de l'artillerie, vous arrivez à... les gens se sont habitués au son et sont devenus des experts, on peut dire, en artillerie, les Ukrainiens. Et donc, en fait, quand vous entendez un son, et c'est ce qui est décrit magnifiquement dans pas mal de livres de la Première Guerre mondiale, d'historiens français comme Audouin Rousseau ou d'autres sur la Première Guerre mondiale, en fait, par le son que vous entendez de l'artillerie, vous savez en fait quel calibre c'est, quelle artillerie c'est, la direction et à peu près à quel moment ça va vous arriver dessus ou à côté. Mais ça, c'est angoissant, mais en même temps, il y a certains repères dans l'espace, quoi. Mais quand, en fait, entre deux feux, on peut dire, quand on attend le prochain, c'est là, en fait, que, au dire des soldats, c'est le plus troublant parce que, justement, on ne sait pas d'où va venir la prochaine salve et dans, est-ce qu'on est dans le viseur. Donc c'est intéressant. C'est dans les silences aussi, dans l'attente. C'est ce qu'on ressent aussi ici quand on écoute ces extraits-là. Dans l'attente, en fait, c'est un peu le futur... à trois petits points, quoi. Est-ce qu'il va me concerner ou pas? Merci beaucoup, Perrine. En fait, on a dans les nouvelles du monde à écouter plusieurs sons qui nous viennent d'Ukraine. Je crois que cette session là de ce plateau radio témoigne d'ailleurs assez bien de la variété de ce qui nous a été envoyé quand on a demandé aux gens du monde entier nous envoyer des nouvelles du monde de moins de 7 minutes sonores. Donc les gens nous ont envoyé, comprenant que c'est quand même la question de la sonorité et de la vie qui va avec, nous ont envoyé des sons des espaces qui les entourent, architecturaux, matériaux, etc., avec des compositions, des sons de territoire, des sons du vivant, mais aussi des sons d'alerte, des sons d'inquiétude, des sons de vie dérangée, de vie plus possible, quoi. Pour terminer ce premier plateau radio, nous allons écouter une composition sonore qui nous a été envoyée par... Excusez-moi, je me perds dans mon papier. Qui nous a été envoyée par Sally Jane Norman, qui est directrice du conservatoire de musique qui s'appelle Te Koki en Nouvelle-Zélande, et qu'elle a composé avec Ricky Koch, qui est compositeur. Voici ce qu'elle dit de sa composition, et je propose qu'on écoute au moins 7-8 minutes de sa composition. Et elle regrette, elle s'excuse de ne pas pouvoir être là, mais on comprend bien que les distances rendent les choses complexes. Avec un ami compositeur maori, Ricky Koch, nous avons créé au port de Te Whanganui, à Tara, à Wellington, une manifestation sonore culturelle intitulée Drum, Distributed Rhythm United Mix. En composant une œuvre relayée par 12 stations de batteurs, percussionnistes, de cultures et de styles différents, nous avons voulu générer une expérience collective des rythmes de Mataraki, ceux des étoiles formant cet amas stellaire en respectant la philosophie maori polynésienne, faisant de Matariki l'occasion de réfléchir au passé, de célébrer le moment présent et de regarder vers l'avenir. Contre le fond nocturne du port, cette œuvre dans sa construction, une sorte de vague sonore où nous avons amplifié les stations successivement, entraînant le public dans un déplacement rythmique, permettait d'évoquer la dynamique cyclique du système astronomique, ainsi que celle du système océanique dont nos îles dépendent si fortement. L'œuvre dure 11 minutes 37. C'est un roulement calé sur une backing track qu'a conçu Ricky. c'était Drum de Sally Jane Norman et de Ricky Gooch. Donc, merci encore à tous les intervenants de ce plateau radio. Donc, Sabine Von Fischer qui est assise ici, Sébastien De Perta, Thomas Bonenfant, Mark Higgin qui a disparu derrière la boule. Non, qui est là, excuse-moi. Pardon, de l'autre côté. Perrine Poupin. Voilà pour cet après-midi. L'émission de radio de cet après-midi est écoutable à nouveau sur le podcast, en podcast, dont vous trouverez le lien sur le site de Radio Utopia qui donne toute la programmation de la semaine ainsi que cette œuvre. Voilà.